Le blues c'est en 48, c'est ça? Ouais, c'est normal ça. Attends, il faut que tu te mettes en 48. Toute la musique que j'aime. Elle vient de... Alors attends, hein, je te demande un truc. Je t'ai trouvé la batterie là. Elle vient de là. Attends, je suis en train de chercher la batterie de... Ah, c'est bon, je l'ai. Elle vient de là. Elle vient du bout. Alors après, le tempo c'est combien? Ça va être simple, oui. 105. 105. Je suis en train de régler un truc sur mon ordinateur. Voilà.